Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un beau film romanesque. Désert saharien 1933. L'arrivée impromptue de Marie, jeune aviatrice, aventurière et obstinée, vient bouleverser le quotidien d'un poste avancé de méharistes français aux prises avec la montée de la rébellion Touareg. J'ai réussi à venir jusqu'à toi. Tiens-moi. J'ai parlé avec le capitaine. Il faut que vous compreniez qu'en refusant d'obéir, vous défiez l'autorité de l'armée. Je suppose que vous êtes là pour le pilote anglais. Pouvez-vous m'informer des recherches effectuées? Désolé, je n'ai reçu aucun ordre du commandement d'Alger. Lancaster a disparu depuis 5 jours. Chaque minute compte, je n'ai pas le temps d'attendre des ordres d'Alger. Écoute, tu sais très bien pourquoi ils l'ont envoyé, pour remettre de l'ordre. Il s'en prend au Touareg pour pouvoir jouer la guerre. Vous avez déjà été amoureux, capitaine? J'ai besoin d'aide. Le désert où est tombé Lancaster est trop dangereux. C'est pas raisonnable d'aller le chercher là-bas, c'est du suicide. Il est hors de question que vous veniez avec nous. Si vous m'empêchez de partir avec vous, toute votre vie, vous aurez un doute. Le doute de l'avoir laissé mourir. Vous avez cru que vous faisiez partie de leur famille parce que vous couchiez avec une dernière? Vous risquez la cour martiale en m'accompagnant. Vous croyez que je vous ai attendu ici maintenant pour me faire douter? Ce que je voulais vous dire, c'est que votre désir d'aimer est plus fort que votre amour. Le Dernier Vol, un film de Karine Dridi avec Guillaume Canet et Marion Cotillard, un DVD Gaumont.